Allô, est-ce que tu m'entends? C'est mon cœur qui t'appelle. Ne laisse pas parler dans le vent. Il a déjà trop souffert. Je suis comme un enfant. Je sais plus ce qu'il faut faire. Devant toi, je prends les devants. Mais sans toi, je me perds. Oh là là, j'ai le cœur plein. J'ai sensation d'avoir trouvé le destin. Ah, oh là là, j'ai le cœur plein. Fais le premier pas, moi j'en ferai. Je vois mon cœur se lancer, danser, y'a rien de plus sincère. Tu m'as regardé dans les yeux, ah, je suis tombée par terre. Là, faut vite appeler l'ambulance, vous êtes en train de me perdre. Oh là là, j'ai le cœur plein. J'ai sensation d'avoir trouvé le destin. Ah, oh là là, j'ai le cœur plein. Fais le premier pas, moi j'en ferai. Ça, je peux pas tout faire. L'histoire qui commence. Mon cœur te parle, est-ce que tu entends?